La bataille de Mu'tah. La bataille de Mu'tah fut le plus rude combat que les musulmans livrèrent du vivant du prophète alayhi salatu wassalam. Elle servit de prélude aux vastes conquêtes effectuées sur les terres des Byzantins. Elle eut lieu au mois de Jumad al-Oula de l'an 8 de l'Hégire, c'est-à-dire en septembre 629 de l'ère chrétienne. Mu'tah est un village qui se situe sur la frontière de l'ancienne Syrie à deux journées de marche de Beit al-Maqdis, Jérusalem. Le prophète alayhi salatu wassalam avait envoyé al-Harith ibn Umair al-Azdi en mission afin qu'il porte une lettre au grand chef de Bousra en Palestine. En chemin, il fut intercepté par Shurahbil ibn Amr al-Ghassani, le gouverneur de César à al-Balqa. Al-Harith fut enchaîné puis décapité. Le meurtre d'émissaires et de messagers était considéré comme le crime le plus affreux qui puisse exister, et cela était équivalent, voire plus grave qu'une déclaration de guerre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, fut profondément choqué en apprenant la nouvelle et il ordonna qu'une armée de 3000 hommes soit mobilisée et envoyée dans le nord de l'Arabie afin de châtier les transgresseurs. Il s'agissait de la plus forte armée musulmane jamais rassemblée, excepté lors de l'événement de la bataille des coalisés. Zayd ibn Haritha fut désigné pour conduire les troupes. S'il venait à être tué, Ja'far ibn Abi Talib devrait le remplacer. Et Abdullah ibn Rawaha succéderait à ce dernier s'il était également tué. Un étendard blanc fut confectionné et confié à Zayd. Le prophète alayhi salatu wassalam leur recommanda de se rendre là où avait eu lieu le meurtre d'Al-Harith et d'inviter les gens à embrasser l'islam. S'ils venaient à répondre positivement, il ne devrait pas y avoir de guerre, sinon le combat constituerait l'unique alternative. Il ordonna « Combattez les négateurs au nom d'Allah ». Ne brisez pas un pacte et ne trahissez point, et ne tuez sous aucun prétexte un nouveau-né, une femme, un vieillard ou un ermite. Ne coupez aucun arbre, ni ne démolissez de maison. Une fois les préparatifs militaires achevés, les Médinois se rassemblèrent pour saluer leurs soldats qui allaient partir. Abdullah ibn Rawaha commença alors à pleurer, et lorsqu'on lui en demanda la raison, il jura que ce n'était pas par amour de ce bas monde ni par engouement pour cette vie, mais que c'était plutôt dû aux paroles d'Allah évoquant l'enfer et que le prophète alayhi salatu wassalam avait récité. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Sourate 19, verset 71 selon le sens du verset. Il dit « Je ne sais comment, une fois sur le pont au-dessus de l'enfer, je pourrais le quitter. » Les musulmans firent en faveur de l'armée l'invocation suivante « Qu'Allah soit avec vous, qu'il vous défende et vous ramène à nous pieux et victorieux. » Ibn Rawaha alors répondit « Quant à moi, ô miséricordieux, je demande pardon et un coup qui mon sang violemment fera couler, ou un coup de lance qui, transperçant entrailles et foie, m'achèvera. » Ainsi, passant par ma tombe, dira-t-on, qu'Allah le guide, quel combattant, bien dirigé il fut. L'armée musulmane marcha vers le nord en direction de Ma'an, une ville jouxtant l'ancienne Syrie. Les musulmans apprirent alors qu'Héraclius avait mobilisé 100 000 hommes auxquels étaient venus s'ajouter 100 000 hommes des tribus de l'Arm, Judham, Balqin, Bahra et Bali. Les musulmans n'avaient jamais envisagé de se trouver confrontés à une armée aussi importante. Ils étaient perplexes quant à l'attitude à adopter, et ils consacrèrent deux nuits à débattre de ces conditions défavorables. Certains suggérèrent d'écrire une lettre au prophète alayhi salatu wassalam pour lui demander conseil. Abdullah ibn Rawaha désapprouva leur réticence et s'adressa à eux ainsi. « Je jure par Allah que ce que vous craignez est cela même pourquoi vous êtes sortis, à savoir le martyr. Nous ne combattons pas les gens par le nombre, la force ou la multitude. » Mais par cette seule foi dont Allah nous a gratifiés. Hâtez-vous pour gagner l'une de ces deux choses, la victoire ou le martyr. » L'armée se dirigea alors vers Masharif, une ville d'Al-Balqa, avec l'intention d'engager la confrontation. Puis, changeant de direction, elle se rendit à Mu'tah où elle établit son campement. L'aile droite fut placée sous le commandement de Qutba ibn Qatada al-Uzri, l'aile gauche sous celui de Ubada ibn Malik al-Ansari. Une lutte frontale opposa les deux camps, 3000 musulmans contre un ennemi 50 fois plus nombreux. Zayd ibn Haritha, l'être le plus cher au cœur du prophète alayhi salatu wassalam parmi ses combattants musulmans, assuma la direction de l'armée et commença à se battre comme un lion dans un esprit de bravoure inégalé jusqu'à ce qu'il s'effondra, frappé à mort. Ja'far ibn Abi Talib saisit alors la bannière et lutta avec acharnement. Alors que la bataille faisait rage, il mit pied à terre, coupa les jarrets de son cheval et reprit la lutte jusqu'à ce que sa main droite se trouvât tranchée. Il empoigna l'étendard avec sa main gauche, mais celle-ci fut également coupée. Il serra ensuite la bannière avec ses bras jusqu'à ce qu'un soldat byzantin le frappât, lui coupant le corps en deux. À titre posthume, il fut surnommé Ja'far aux deux ailes, parce qu'Allah lui accorda deux ailes pour se déplacer à sa guise dans le jardin éternel. Al-Bukhari a mentionné, d'après Ibn Omar, que son corps avait reçu 50 coups de lance et d'épée, dont aucun ne lui fut porté dans le dos. Abdullah ibn Rawaha s'avança alors pour reprendre l'étendard, et après un bref moment d'hésitation, il se lança dans le combat, juché sur son cheval, tout en récitant « Mon âme, par Allah tu avanceras, de gré ou de force, excité par les cris, les chevaux marchent sur l'ennemi, et au départ des flèches, les arcs gémissent. Refuserais-tu le paradis ?» Il guerroya jusqu'à ce qu'il fût mortellement frappé à son tour. Un homme des Banu Ajlan, dénommé Thabit ibn Arqam, prit ensuite l'étendard et interpella les musulmans pour qu'ils se désignent un nouveau chef. Cet honneur fut accordé de façon unanime à Khalid ibn al-Walid, l'épée d'Allah, soldat chevronné et stratège de grande valeur. Il a été mentionné par al-Bukhari qu'il fit usage durant cette bataille de 9 épées qui se brisèrent l'une après l'autre. Seul un large sabre yéménite résista. Le jour de Mu'ta, l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, resté à Médine, fit part aux gens des informations qui lui furent révélées. Zayd a pris l'étendard et l'a succombé. Ja'far l'a pris ensuite et a succombé à son tour. Puis Ibn Rawaha a connu le même sort. Le prophète, alayhi salatu wassalam, les larmes aux yeux, continua. Enfin, une des épées d'Allah a pris l'étendard, et Allah leur a accordé la victoire. Conscient de la situation critique dans laquelle se trouvaient les musulmans, Khalid ibn al-Walid infléchit au matin du deuxième jour de la bataille le cours du combat, en obligeant ces derniers à changer leur façon de combattre, révélant alors ses qualités de commandant en chef pour lesquelles il était à juste titre réputé. Ainsi, il procéda à un remaniement des ailes gauche et droite de l'armée musulmane et il fit venir en première ligne un groupe de combattants qui se trouvaient avant cela à l'arrière. Il voulait que la peur gagne les cœurs des Byzantins en leur faisant croire que des renforts étaient en train d'arriver. Les musulmans luttèrent par le biais d'affrontements sporadiques, mais peu à peu et judicieusement, ils amorcèrent un repli bien planifié et sans aucun désordre. Les Byzantins, confrontés à cette nouvelle stratégie, crurent qu'ils allaient être pris dans un piège en se faisant attirer au cœur du désert. Ils arrêtèrent donc la poursuite, ce qui permit aux musulmans d'effectuer leur retraite vers Médine avec de moindres pertes. Les musulmans tués furent au nombre de 12, tandis que les pertes des Byzantins demeurèrent inconnues, bien que les détails de la bataille laissent supposer qu'elles furent élevées. En dépit du fait que les musulmans ne purent atteindre l'objectif défini avant la bataille, qui était de venger le meurtre d'Al-Harith, le combat qui avait eu lieu eut un impact considérable et il donna aux musulmans une réputation de guerriers valeureux. En effet, à cette époque-là, l'Empire byzantin était la plus grande puissance sur Terre et le simple fait de s'opposer à lui revenait à courir vers une mort certaine. Et cela sans parler de l'issue a priori prévisible d'un combat opposant 3000 hommes à une armée de 200 000 soldats bien mieux équipés et disposant de toutes les commodités possibles. L'issue de cette bataille fut un véritable miracle prouvant que les musulmans constituaient une catégorie humaine exceptionnelle inconnue jusque-là. De plus, il devint plus qu'évident qu'Allah les soutenait et que Muhammad alayhi salatu wassalam était véritablement le messager d'Allah. À la lumière de cette nouvelle donne stratégique, les ennemis impitoyables qu'étaient les Bédouins du désert commencèrent à se réconcilier avec la foi islamique. Plusieurs tribus récalcitrantes telles que les Banu Sulaym, les Ashja', les Ratafan, les Zubiyan, les Fazara et d'autres encore embrassèrent l'islam de leur propre et libre volonté. D'une façon plus large, la bataille de Mu'ta constitua la première confrontation sanglante avec les Byzantins et elle ouvrit une nouvelle page de l'histoire islamique, celle de la conquête de l'Empire byzantin et d'autres pays lointains. Le détachement de Dhatu Salasil. Dhatu Salasil est un lieu situé à 10 jours de marche au nord de Médine. Il a été rapporté que les musulmans établirent un campement en un lieu muni d'un point d'eau appelé Salsal, d'où la terminologie Dhatu Salasil. Les tribus arabes établies près de la frontière avec la Syrie s'étaient jointes aux Byzantins pour combattre les musulmans à Mu'ta. Le prophète alayhi salatu wassalam jugea urgent de mettre en œuvre un plan bien élaboré afin de jeter la discorde entre elle et l'Empire byzantin et d'établir de bonnes relations avec elle. Pour réaliser ses objectifs, il choisit Amr ibn al-As, dont la grand-mère paternelle appartenait à la tribu de Bali. Ce dernier avait pour mission de gagner l'amitié de Bali. On a également dit, concernant les causes du départ du détachement de Dhat al-Salasil, que les Banu Qudaa se préparaient à marcher sur Médine. Il est possible que Amr ibn al-As dût également tenter de dissuader ceux-ci de réaliser leur dessein. Au mois de Jumad al-Akhira de l'an 8 de l'Hégire, Amr ibn al-As se mit en route à la tête de 300 Muhajirun et Ansar avec la recommandation de rechercher l'aide des tribus de Bali, de Uzra et de Balqin. Les musulmans marchèrent de nuit, se cachant le jour. À l'approche des lignes ennemies et considérant la concentration des troupes adverses, Amr fit demander l'envoi de renforts médinois et ceux-ci arrivèrent sans tarder, commandés par Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Il s'agissait d'une troupe de 200 hommes où il y avait Abu Bakr et Omar ibn al-Khattab. Abu Ubaida avait reçu l'ordre strict de travailler en harmonie avec Amr ibn al-As et de ne pas être en désaccord avec lui. Lorsque l'heure de la prière arriva, Abu Ubaida voulut conduire la prière en commun, mais Amr s'y opposa en prétextant qu'Abu Ubaida n'était venu qu'en renfort et que par conséquent, la direction de la prière lui incombait. Abu Ubaida lui obéit. L'armée musulmane atteignit le territoire des Qudaa, allant jusqu'à ses confins où elle trouva un groupe de combattants qui, voyant les musulmans marcher vers eux, prit la fuite. À la fin de ces opérations militaires, un émissaire fut dépêché auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, pour l'informer de l'arrivée imminente du détachement de Dhat al-Salasil ainsi que du succès de sa mission. Le détachement de Khudra. Au mois de Sha'ban de l'an 8 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprit que les Banu Ratafan rassemblaient des troupes à Khudra sur le territoire de Muharrib dans le Nejd. Il leur envoya Abu Qatada à la tête d'un détachement de 15 hommes pour faire cesser leurs agissements hostiles. Il y eut des morts du côté de Ratafan. Les musulmans firent des captifs et rapportèrent du butin. Cette mission dura 15 jours.